toujours plus de nouveautés dans l'aspect français. Faut dire que là, il y a eu un gros renouvellement après ce qu'on s'est diffusé ces dernières semaines. War Inside, vous avez forcément entendu parler de cette formation Blackening Death qui nous vient de Nantes, active depuis 2008. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir. Premier album, première production studio même depuis 2016. Pas mal de changements de line-up sont venus perturber l'activité de War Inside. À noter notamment au niveau du turnover derrière le micro, depuis que le chanteur de War Inside, chanteur d'origine, est parti tenir les micros chez Regarde les hommes tombés. Sur ce nouvel effort studio, 8 morceaux, 40 minutes d'un death bien blackening. C'est travaillé, c'est pas uniquement du bourrinage, c'est vraiment très inspiré le black death de War Inside. Et après ça, Ratten, ça n'est pas... faire un petit clin d'œil à Salo. On est sur un power trio Krusty Black, ça nous vient du sud-est de la France, actif depuis 2019 également. 7 morceaux chantés en français, ça avoine et c'est bien crado, la musique de Ratten. Au niveau des titres choisis, War Inside, Helmethy Earth, extrait de l'album du même nom, une sortie lors de l'île noire. Ratten, Les Heures Sombres, extrait de l'album donc La Longue Marche. Et c'est parti. Bloom to end with breath. Allez, retour à la diff internationale avec la doublette à venir. Stab, la formation belge qu'on s'écoutera avec Unos Prediction, Kulten. Qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord sur Stab, la formation frontalière, puisque le groupe nous vient de Belgique, actif depuis 2006, cinquième effort studio, 12 titres, dont un morceau de leur tout début qui a été réenregistré pour l'occasion. C'est vraiment pas finaux, c'est plutôt bien foutu, c'est ultra carré avec attitude, et c'est bien efficace la musique de Stab. Unos Prediction, Kulten, ensuite, c'est du death metal, ça nous vient du Chili, c'est actif depuis 1999. C'est le sixième effort studio qui vient de voir le jour. 7 titres pour une bonne quarantaine de grosses bastons death occultes, c'est Lovecraftien, c'est primitif à souhait, et donc on a vraiment cette atmosphère ultra pesante par-dessus tout ça. Au niveau des morceaux choisis, on s'offre une petite doublette Stab, morceau plutôt court, le titre Open Wound enchaîné à Mayhem, extrait d'album Street Justice qui vient donc de voir le jour, Unos Prediction, Kulten, Do Hana, Formula, extrait d'album Exon Sabaoth. Et c'est parti. No! commence tout doucement à toucher à la fin de l'émission Hellbanger pour ce soir. Il ne reste plus que trois doublettes à se torpiller dans les oreilles. Tout d'abord, Chapel of Disease, la formation initialement de Evidess venue d'Allemagne, qui a fait un gros, c'est pas un virage, c'est une grosse évolution logique dans leur musique, avec un changement au niveau du line-up. Pareil, on aura l'occasion d'en reparler de ce nouvel effort studio de Chapel of Disease. Exit le Evidess, maintenant on est sur du Death Gaze, cette espèce de post-death, un peu black gaze, voilà, comme si Alceste maintenant faisait du death avec toujours cette grosse inspiration shoegaze. Chapel of Disease, le titre Echoes of Light, extrait d'album du même nom, une sortie Van Record. On écoutera ensuite Holder, une sortie 20 Buckspin Record. Là, on est sur du bon gros black qui tâche bien haineux. On a fait les présentations la semaine dernière, donc juste pour rappel. C'est du black One Man Band qui nous vient des US. C'est une femme qui gère tout de A à Z. Et voilà, 40 minutes d'un black plutôt traditionnel, d'un spi scandinave, c'est brut, mélancolique et ritualiste, juste comme il faut. Au niveau des titres choisis, donc Chapel of Disease, Echoes of Light, comme je disais tout à l'heure, Elder, Vessel of Suffering, et son album Verses in Oath. Et c'est parti. Light. grosse doublette de violence pour presque clôturer l'émission de ce soir avec une toute dernière nouveauté. Tout d'abord, Nemesis, formation qui nous vient de Serbie. C'est un quatuor et au-delà du fait de venir de Serbie, la particularité c'est que c'est une formation 100% féminine, active depuis une dizaine d'années. La formation sort là son second effort studio. On est sur du Melodest très inspiré, qui n'est pas sans rappeler plutôt, le Arch Enemy de Angela Gossow. Voilà, c'est bien frontal et déjà bien identifiable par son approche globale en termes d'inspi. Et en doublette avec Nemesis Cercena Tori. On est sur du Brutal Death, ça vient de Colombie, ça s'est formé il y a une douzaine d'années. Une sortie Comatose Music avait vu le jour, tout récemment. Et le premier album était sorti à l'époque chez Coyote Records. Tradition. Du Brutal Death sud-américain, efficace as fuck, les titres font 3 minutes, c'est massif, impitoyable. Et c'est surtout très très très bien fait. Cercena Tori, donc... Morceau choisi tout de suite, Nemesis Guilt and Grief, extrait d'album Embrace Reality, Cercena Tori, Inquisitor Vortex Soul Torturing, extrait d'album sombrement intitulé Gorsphere. C'est parti. Sometimes clôture avec des groupes qu'on s'est déjà écoutés un peu plus tôt dans l'émission, une doublette de clôture en mode up-tempo avec Morbid Saint et Slope. Morbid Saint, du vieux trash ricain bien efficace et qui reste vraiment toujours à la page. Swallowed by Hell, c'est le nom de leur nouvel effort studio, on s'écoute le Killer Instinct. Slope ensuite, le groupe de fuzzy funk hardcore qui nous vient d'Allemagne, on s'écoutera le morceau Freak Dreams. Extrait de l'album du même nom, pardon. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Bonne fin d'écoute. Rendez-vous dimanche prochain et là, ce sera pour une nouvelle émission en direct. Ciao, ciao. gang. We dribble and drift, let's see how tricky it gets. Slippery slope, keep it real, says the repeat when we spin. Please believe, freak dreams increase. Not so lonely, all my homies feeling stressed up, not stony. We're chasing dreams, free me, dig deep for the cream. In charge of the lyrically creativity seeds. Need steady rushing, keep the fire alive. I hear that argue, see that changing, fuck all threats, no discussion, we survive. And I don't wanna waste my life on some heartless shit like a 9 to 5 and turn my back on all of the things I know and the streets I'm groaning. And now the pressure's building up from all sides. Everyone's trying to get involved and hands on stupid advice. They keep on talking, we keep pushing, boy, but we never listen. That's why they stop getting 365 vision hits different. Successful to levels of stress. And now, show me passion. Who is real? Who is acting? Set them up, fuck him up, action. And I don't know how much more should we lift it? You listen to the coldest flow in the business, and nobody else would whip this shit like we kick it, boy. We 10 years in the game, giving no fuck about the digits. It's a difference. Freak dreams teach me to sleep. Street heat, live what you speak. Do the grip, don't trip. We still love the scene. Sit the heat, licks. Waste my life on some heartless shit like a 9 to 5 and I don't turn my back on all of the things I know and the streets I'm groaning. And now the pressure's building up from all sides. Everyone's trying to get involved and hands on stupid advice. They keep on talking, we keep pushing, boy, but we never listen. That's why they stop.